Mon fils, il faut vous en remettre à la justice des hommes. C'est ainsi que la miséricorde de Dieu pourra s'étendre sur vous. Il faut d'abord sauver votre âme. Je lutte pour les autres, moi je m'arrangerai. Il n'y a pas d'arrangement. Vous êtes figé dans un orgueil où le Seigneur ne peut vous reconnaître. Vous sauverez cet homme et tout ce qui peut encore être sauvé dans l'enfer où vous errez. Jusque-là, je ne puis rien pour vous. Il faut aller jusqu'au bout du chemin. Par où commencer? Quelles sont les causes et les conséquences de mes idées noires? Tard le soir quand je crame ma conséquence. Car c'est pas ça qui pense les plaies. Je me plains pas tant que ma pensée est pleine. Mais ma vie, je sais pas ce que je suis censé faire. Étrange, c'est vrai, j'ai cette impression d'être mis à part. Mal adapté à ce monde, je divague, mais faut tenir la barre. Rien qu'un pion sur leur carte, t'es mal et c'est même pas ce que je suis. Après toutes ces années d'angoisse, j'sais toujours pas ce que je fuis. Est-ce la peur d'être déçu qui fait que parfois je m'empêche de vivre? J'ai peu de belles devises quand je vois que le monde penche vers le vide. Les temps de guerre, je vise. Car je supporte pas que des enfants crèvent. Le pit creux, c'est par une balle venant de ces gens sans tièvre. Les sentiers s'assombrissent, mais pas de lumière au bout, y'a que le néant. Peu de mes rêves insensés s'accomplissent. Un tas de complices qui voient la maille installe son vice, que des sales combinent. Et tant que je le dis, je serai pas le convive. Ils s'en tapent qu'on vive. Faut que tu consommes et cotises. Consomme dans les comptises, que les têtes soient contents des conflits. Je suis sûr que certains n'ont pas compris. C'est devant l'oseille compris. Chacun se prend pour le nombril du monde, donc les faits les conspirent. Nous, comme des zombies, on se tire dessus. Que de belles religions sachent que si je peux pas croquer la pomme, j'extirpe le jus. Mais je vois que de tristes rues, pourquoi refuser de l'admettre? C'est peut-être ce qui fait que je m'enterre dans mon trou pour me creuser la tête. J'espère crever l'abcès afin de trouver l'accès. Je veux pas de cette vie courte et malsaine dont ils ont troublé l'aspect. Seul le crime est l'aspect. Les lâches baisent et lâches perds pied. Mais je continue de traîner de la semelle. Et toute la semaine, c'est la même chose. Et je crois que je perds mon temps. Je suis plus l'étoile du berger, vu comme un chien dans stade mouton. Cousin, je vois la haine qui monte, la liberté qui le monte. On se donne la peine, on tente de prouver qui fait les fautes. Dépose la légion d'honneur à titre posthume aux plus faux escrocs. Comprends par là qu'il n'y a pas que les gros durs qu'on les crocs. Contrer les traumatismes, y'a qu'en le disant que c'est trop facile. J'espère qu'écroule la vie, mais rien que d'y penser, je me crois ce pauvre naïf. Une prose laïque, rien qu'un peu de paix, ça fera désordre. Mais je maintiendrai toujours qu'il n'y a pas de religion, y'a que des hommes. Et je suis désolé, mais on me fera pas croire que je suis déraisonné. Tant que les plus malhonnêtes nous jetteront les restes donnés. Prends pas à se taire étonné, comprends que je parais étonné. Si t'as pas la même vision terne, jette un œil par les stores. J'ai l'esprit tordu, mais je peine à croire que j'en fais trop. On me dit, mon, tu pars trop loin, c'est vrai que je suis guetté par la névrose. Et pour changer les choses, on fait ce qu'on peut à notre échelle. Et je donnerai tout ce que je peux pour contribuer à votre échec. Beaucoup me diront que c'est peine perdue. Je rectifie la peine perdure, ça devient dur dans les esprits. Et je vois que la haine perturbe. Les jeunes sont turbulents. Certains pensent que nos gènes nous rendent peu scrupuleux. Les écrans parlent de crapules virulentes. C'est quoi cette propagande? Je vois que des nymphos plastiquées, des infos falsifiées, des tas de clichés, des gros bras de gang et qui abordent les vrais sujets. Je parle des problèmes de fond, pas des promesses usuelles, mais de ces drones qui visent le front en guise d'offrande. C'est leur seul cadeau pour le tiers-monde. Ils créent trop d'enterrements et mentent tellement, je le pense entièrement. Mais leur démantèlement, je crois qu'il s'agit de le faire. À quoi bon démentir? Les types veulent manger, donc agite le fer. Loin de ça s'agir, je vois peu de dérives passagères. Je viens fausser vos analyses et si le message passe, ça gère. On gâche tout, la terre on la dévaste assez. Le silence coûte très cher, mais je vois les vrais dévastacés. Des cellules matelassées, squattées par ceux qui captent de qui il faut se débarrasser avant qu'ils parlent pour être efficaces. Pas de répit, j'apprécie pas le temps qui passe, c'est triste. Je suis triste et blasé que partout ça c'est trip. Tricard, je vois ce qui dérange. Les ignorants croient que c'est les différences la cause. Et là, je fais pas que les idées changent. J'ai cette envie d'échange, souvent j'y pense reclus. Ils estampillent les chances, et pour un puits d'essence te brûle. Les choses se brusquent, mais je veux les rendre plus perceptibles. Perturbe les susceptibles, le fond est clair, mais je suis du père sceptique. Suspect mes clean, la semelle des petits frères s'use et vite. Il se passe des trucs graves, donc quand tu rappes, évite les sujets vides. Les chutes m'épuisent, c'est ce que dissimulent ces lignes. C'est pas l'image que t'as de moi, je simule pour pas que la peine s'évise. Mais je pleure pas sur mon sort, au contraire, je culpabilise. Transmets ma mauvaise humeur et l'air crèche comptabilise. Quel combat je mène dans le fond, je sais même pas. Je me renferme sur moi-même. Mais faut que je profite avant que ceux que j'aime partent. J'étais seul. J'avais besoin de parler. De parler.